Bonjour, bienvenue sur podcast science numéro 63, le balado qui fait aimer la science, avec Mathieu comme toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Et cette semaine, une nouveauté, on a un nouveau podcasteur qui vient faire son tour d'essai, il s'agit de Franck. Salut Franck. Salut Alan, salut Mathieu. Hello. Ah, bienvenue sur le podcast. Franck, tu peux nous dire en deux mots où tu es, ce que tu fais dans la... Ouais, y a pas de problème. Alors moi, en fait, donc, je suis à Paris et je suis étudiant donc, en sixième année de pharmacie. Excellent. Bon, à côté de ça, je suis passionné par la science, par les, bon, la santé en particulier, mais bon, toutes les sciences en général, et la biologie aussi. Et donc, voilà, je m'intéresse beaucoup aux news, aux actus scientifiques, etc. Voilà, magnifique. Voilà. Excellent. Et puis donc, pour ton premier passage dans Podcast Science, tu nous as préparé un dossier en rapport justement avec la santé. Ouais, exactement. Donc pour aujourd'hui, c'est les causes de la pandémie du VIH. Parfait. Voilà. Ben, je sens qu'on va apprendre beaucoup de choses. Ben, on t'écoute. Le podcast est à toi. D'accord, ok. Bon, ben c'est parti alors. Donc, je vais vous parler donc, des causes de la pandémie du VIH. Alors, donc en premier, je vais vous parler de l'épidémie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette épidémie? Donc, alors, à la fin 1979, on a un médecin de Los Angeles, le docteur Weissman, qui va remarquer l'augmentation des cas de syndrome mononucléosique chez ses patients homosexuels. Alors, le syndrome mononucléosique, qu'est-ce que c'est? Attendez, excusez-moi. Parce que je suis un petit peu enrhumé. Alors, le syndrome mononucléosique, qu'est-ce que c'est? Donc, cliniquement, on a un état de fatigue qui est accompagné d'une augmentation de la taille des ganglions, une myalgie et des fièvres. Donc, du point de vue biologique, on retrouve chez ces patients une diminution d'une sous-catégorie de globules blancs, les lymphocytes T, CD4+. Donc, chez ces patients, ce syndrome mononucléosique qu'on observe, il est aussi accompagné de diarrhée et de mycoses anales et buccales. Donc, les mycoses anales, c'est des champignons qui s'attaquent normalement pas au corps, mais lorsqu'on a une diminution de l'immunité, le système immunitaire devient incapable de détruire les champignons et ils peuvent se développer. Donc, ces signes d'immunodépression, ils sont attribués par le docteur Weissman à une infection par le cytomégalovirus. Donc, dans un premier temps, c'est le responsable qui l'évoque. En fait, le cytomégalovirus, c'est un virus très répandu dans la population mondiale. Il est de la même famille que l'herpès et il est a priori inoffensif, sauf dans certaines situations quand on a une immunodépression, justement. Mais en fait, le cytomégalovirus, il peut être la cause, il peut être la conséquence d'une immunodépression, c'est-à-dire que les infections vont se développer en cas d'immunodépression, mais il ne peut pas être la cause de cette immunodépression. Donc l'explication n'est pas vraiment valable. D'accord. Ouais. Ensuite, donc, le temps passe, et à l'automne 1980, il y a un des cas de ce docteur Weissman qui est hospitalisé à Los Angeles. À cause d'une pneumonie grave. Donc, quand le patient arrive à l'hôpital, donc il y a un autre médecin, le docteur Gottlieb, qui trouve que ce cas ressemble à un cas qu'il avait déjà eu auparavant. Alors, c'était un malade qui était hospitalisé à cause d'une pneumonie, donc, pareil, avec une même diminution des lymphocytes T4. Et le patient était homosexuel également. Donc, le docteur Gottlieb, il se dit qu'il y a quelque chose de bizarre et il contacte le département de santé publique du comté de Los Angeles. Donc, le département de santé publique regarde dans ses fichiers et retrouve un cas similaire. Donc, on en est à 3 patients diagnostiqués avec une infection grave et rarissime, la pneumocystose, et 7 immunodépressions. Aucune explication n'est retrouvée. Donc, on en reste là et le temps passe. 2 autres patients sont hospitalisés plus tard, ce qui nous porte à 5 patients au total. Donc, ils sont tous atteints de pneumocystose, ils habitent tous Los Angeles, ils sont tous homosexuels masculins, ils sont tous assez jeunes, ils ont aux alentours de la trentaine, et ils présentent tous cette même immunodépression qui est liée en fait à la diminution, donc j'en ai parlé tout à l'heure, d'une catégorie de globules blancs, les lymphocytes T, CD4+. Et c'est sur quelle période que ça s'étale, qu'on a découvert ces 5 cas? Ça, c'est 5 cas, c'est en quelques mois en fait. Quelques mois. C'est entre donc début, fin 1979, et là on est à l'automne 80 à peu près, donc ouais. C'est un peu moins d'un an. Ouais. Voilà, voilà. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc, là, voilà, si les deux médecins, donc, alors, ils prennent la décision, donc là, il y en a 5 cas, ils prennent la décision d'envoyer un article au CDC américain, le Center for Disease Control. C'est l'équivalent de l'INVS français, qui est l'Institut National d'Épidémiologie. Donc là, l'article arrive sur la table d'un médecin qui s'appelle James Curran. il est responsable des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Donc il a pris connaissance de l'article, et donc ça va être à lui de déterminer s'il veut le publier ou pas au niveau national. Donc là, la légende veut, j'ai vu ça je crois sur Wikipédia, qu'il a annoté l'article par Hot Stuff, qu'on pourrait traduire par C'est du lourd. Et donc déjà, il y avait à peine 5 cas, il avait déjà vu l'ampleur de ce qui se profilait, et donc il appuie la publication de l'article. Mais cependant, il publie pas l'article en première page du bulletin hebdomadaire, il le publie dans les dernières pages, et il évite de mentionner que tous les patients sont homosexuels pour pas stigmatiser, parce qu'il n'est pas encore sûr que voilà que c'est lié. Donc ça, ces précautions-là, elles vont faire que cet article il passe un peu inaperçu et personne ne va trop en parler. Quoi. Donc, par contre, c'est la première publication officielle mondiale qui concerne le VIH. Elle est datée donc, du 5 juin 81. Cependant, elle est discrète et n'a pas vraiment d'écho. Alors ensuite, donc ça c'était une première partie à Los Angeles. Dans un autre temps, enfin en même temps, mais à un autre endroit, il y a New York, où il y a aussi des cas qui vont être rapportés dès 1979. Sauf que c'est là, les médecins de New York, en fait, il faut savoir que New York, il y a plus d'écoles de médecine, donc ils ont plus de mal à recouper les cas entre eux. À Los Angeles, il n'y a que deux facs de médecine, à New York, il y en a plus. Donc à New York, ils observent donc, dès 1979, avec un médecin, le docteur Linda Lowenstein, ils observent des cas de sarcome de Kaposi. Donc le sarcome de Kaposi, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie de la peau qui est relativement rare, qui est cancéreuse, et qui touche habituellement les hommes âgés. Sauf qu'à New York, on retrouve cette maladie chez des hommes jeunes, et encore une fois, ils sont tous homosexuels. Donc les médecins, ils en observent. Donc les médecins à New York observent 8 cas de ces sarcomes de Kaposi, et après 8 cas, ils préviennent aussi le CDC, le Center for Disease Control. Mm-hmm. Alors là, donc là au CDC, il y a toujours le docteur James Curran qui a eu le signalement de Los Angeles des cas de pneumocystose. Là, il fait immédiatement le rapprochement, et là, il comprend qu'il est vraiment face à quelque chose d'important. Et donc, il fonde un groupe de travail, et il fait une publication, toujours dans le bulletin hebdomadaire, qui va s'intituler « Sarcome de Kaposi et pneumocystose chez les homosexuels à New York et en Californie ». Donc, parallèlement à cette publication avec du CDC, il y a une publication dans le New York Times, donc, qui s'intitule « Un cancer rare chez 41 homosexuels ». Et donc là, toute la communauté scientifique est prévenue de l'affaire qui couvre. Et donc l'opinion publique aussi est au courant, dont la communauté gay. À ce moment-là, donc c'est le 3 et 4 juillet 1981, donc un mois seulement après la première publication, on n'a toujours pas de cause pour cette épidémie qui semble frapper les homosexuels, et pas d'agent responsable. On pense éventuellement à l'Epstein-Barr virus, qui est un virus impliqué dans la mononucléose, dans la maladie, et au virus de l'hépatite B, parce qu'il semble y avoir le même mode de transmission sexuelle. Donc là, on est en juillet 81. C'est le premier vrai article qui attire vraiment l'attention des médecins. Et donc l'été s'écoule dans l'attente et l'inquiétude. Tout le monde espère que ça va s'atténuer, que c'est une épidémie qui n'est pas liée à un agent infectieux, mais à une contamination environnementale, une exposition à un agent toxique, quoi. Un petit peu comme ça a fait pour nous avec l'épidémie des Escherichia coli au début de l'été. Là. La fin de l'été arrive et un nouveau rapport est publié. Les prévisions les plus pessimistes sont dépassées. On a plus de 100 cas, on n'en était encore qu'à une vingtaine de cas, une trentaine de cas, et on a une létalité qui est observée qui est supérieure à 40%. Donc en fait, c'est une maladie qui est très très qui est ravageuse. Et c'était encore des cas de pneumocystose et de syndrome de Kaposi à l'époque, ou il y avait déjà d'autres... Alors, est-ce qu'il y avait d'autres... Non, pour l'instant, je crois qu'on était resté sur des sarcomes de Kaposi et des pneumocystoses. Sarcome de Kaposi, pardon. Ouais. Ouais, ça commence... si on fait une contraction, ça fait Sarkozy, en fait. donc voilà, donc la fin de l'été, le nouveau rapport est publié. Et les premiers articles spécialisés vont commencer à sortir. C'est vraiment la traque du germe, en fait. On essayait de savoir qu'est-ce qui était à l'origine de cette maladie. Alors, à cette époque, la maladie, elle a un nom, c'est le gay cancer, ou le gay-related immune deficiency. En fait, on pense que ça ne touche que les gays. Mais bon, bien sûr, on verra par la suite que hélas, non. Enfin, hélas, tout le monde peut être touché, quoi. Donc, alors les scientifiques cherchent un agent infectieux ils savent que c'est à transmission sexuelle, enfin ils voient bien qu'il y a un lien, et que ça peut être responsable de cancer. Donc les causes environnementales qui sont évoquées éventuellement dans le cas où ce ne serait pas infectieux, c'est les poppers. Donc on se dit que voilà, comme les homosexuels consomment beaucoup de poppers, ça pourrait être ça. Mais vous savez ce que c'est les poppers ou... C'est de l'extasie, ces trucs-là, c'est Non, ça? en fait, c'est un... En fait, c'est un... Pas tout à fait. C'est un truc qui est à base de... C'est à base de monoxyde d'azote. En fait, ça s'aspire par le nez et ça a un effet vasodilatateur. Ok. Donc, en fait, ça shoot un peu et puis ça a un effet aphrodisiaque aussi. D'accord. Donc, c'est très consommé par les homosexuels. Donc, ils pensent que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça parce qu'ils font des tests sur la souris et ça donne rien. Donc, les seules choses qu'ils retrouvent systématiquement, c'est la lymphopénie T4, donc la diminution des globules blancs de type T4. Ils retrouvent l'homosexualité à chaque fois et le sexe masculin à chaque fois. Alors, aucun autre agent habituel n'est retrouvé. Pendant ce temps, donc, pendant qu'ils recherchent, le nombre de cas augmente aux USA et dans le monde. Les capitales européennes sont touchées. On a Paris et Londres qui sont touchées, Copenhague aussi. En novembre 1981, on en est à 159 cas. Début 82, on n'a toujours pas d'explication, on franchit les 200 cas. Courant de l'année 82, alors, on a des premiers cas qui sont révélés chez les non-homosexuels. En fait, c'est les drogués. Donc, et les drogués par drogue intraveineuse, donc principalement l'héroïne. On a aussi des Haïtiens, notamment en Floride, et à Haïti, bien sûr. Et on a une première femme, donc c'est une toxicomane. Donc là, bon, tout le monde peut être touché, on s'aperçoit de ça. Donc là, à ce moment-là, il doit y avoir d'autres infections opportunistes, mais j'avoue que je sais pas trop lesquelles, mais il y en a sûrement d'autres. Fin 82, il y a une étape importante qui va être franchie avec les premières contaminations de patients hémophiles. Donc les hémophiles, c'est des patients qui souffrent de troubles de la coagulation et qui nécessitent des dons de sang réguliers. Donc on se doute bien que c'est par là, par le sang que ça passe. Les homosexuels ne sont donc plus les seuls touchés. Et ça commence à inquiéter sérieusement l'OPS, qui, pour éviter la panique, et ça c'est intéressant de le signaler, vous m'entendez? Oui. Parce qu'il m'a mis un message. Donc c'est important de le signaler, parce que la presse, à ce moment-là, il y a un vrai danger, et la presse, en fait, évite de majorer les risques. Elle insiste sur le fait qu'il y a peu de cas encore, et que ça touche uniquement les groupes à risque. On parle des 4 H, homosexuels, hémophiles, héroïnomanes et haïtiens. Donc, c'est assez intéressant de voir que quand il n'y a pas grand-chose, la presse a tendance à amplifier l'angoisse, et quand c'est vraiment important, minore un peu. Effectivement. Donc, ouais. La contamination des hémophiles est très importante. Elle prouve le caractère viral du germe, parce qu'en fait, avant d'être donné, le sang est filtré. Et les autres germes qui pourraient passer, comme les bactéries, les champignons ou les parasites, ils sont retenus dans les filtres. Il n'y a que des virus qui peuvent passer. Donc là, D'accord. on commence à être vraiment sûr que c'est un virus. Bon, alors, la propagation de l'épidémie se poursuit. En 1983, on a 5 000 malades dans le monde, donc 3 000 sur le sol américain. On a 12 000 malades dans le monde en 84. Et en 84, on va isoler le virus par une équipe française. L'Afrique et Haïti sont durement touchés également, à peu près en même temps que l'Amérique, légèrement avant pour l'Afrique. Et il faut savoir que tous les chiffres que je donne là sous-estiment grandement la catastrophe, puisqu'ils sont basés sur le nombre de sida, et non le nombre de séropositifs, parce qu'on reste longtemps séropositif avant de développer le sida. Ça, c'est les principes généraux de la maladie. Je pense que ce n'est pas la peine que j'en reparle. Je crois que tout le monde est familier avec ça, Ouais, tout effectivement. le monde est assez familier. Ouais. Okay. Donc voilà pour l'épidémie, comment elle va se déclarer. Maintenant, je vais parler des causes de l'épidémie, donc les causes immédiates. Qu'est-ce qui a fait que cette épidémie s'est déclenchée? Est-ce que c'était une nouvelle maladie, une ancienne maladie? Est-ce que c'est un virus, pas un virus? Donc alors en fait c'est un virus, tout le monde le sait. Il a été identifié donc en 1983 par l'équipe du professeur Montagnier, mais c'est pas n'importe quel virus en fait, c'est un rétrovirus. Alors les rétrovirus, qu'est-ce que c'est? C'est une famille de virus très particulière parce qu'elle possède une enzyme qui est unique. Enfin à l'époque on pensait qu'elle était unique, maintenant on sait qu'elle n'est pas vraiment, mais bon, très rare dans le monde du vivant. C'est la transcriptase inverse. Donc la transcriptase inverse, c'est une enzyme qui permet de synthétiser de l'ADN à partir d'ARN. C'est une caractéristique cruciale parce qu'elle remet en cause le dogme fondamental de la biologie moléculaire qui voulait que le flux de l'information aille de l'ADN vers l'ARN, puis vers les protéines. Or là, on a une enzyme qui fait, à partir de l'ARN, elle fait de l'ADN, donc elle remonte le flux. Donc c'était une découverte assez fondamentale. D'accord. Et donc la découverte de ce virus a lieu donc, par les équipes du professeur Montagnier. Elle se passe d'une manière assez intéressante parce qu'elle intervient à un moment clé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand les équipes du professeur Montagnier, ils vont, donc tout le monde cherche un germe, et donc les équipes du professeur Montagnier, ils vont avoir une idée que personne n'a eue. Ils vont prendre des, non pas dans le sang, ils vont prendre des ganglions de malades. Ils vont prendre des ganglions parce que c'est là que poussent les cellules qui manquent justement, les lymphocytes T4. Donc ils vont prendre les ganglions du malade, ils vont lyser le tissu, ils vont les mettre en boîte avec du liquide nutritif et ils vont faire pousser. Alors pourquoi est-ce qu'ils pensent à faire ça? Déjà, ils peuvent le faire que depuis les années 70, enfin depuis quelques années en fait, parce qu'avant on ne savait pas faire ces cultures-là. Donc il manquait des facteurs de croissance qu'on a découvert que dans les années 70, notamment l'interleukine 2. Et donc ils font cette culture-là parce qu'ils cherchent une activité reverse transcriptase. C'est donc en fait ils avaient pensé que ça pouvait être un rétrovirus qui causait la maladie. Ils avaient déjà cette idée-là en tête. Oui, ils ont eu une bonne intuition alors, en fait. Voilà, exactement. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette intuition? Parce qu'en 1980, donc là on est en 83, donc c'est-à-dire 3 ans avant, l'équipe de Max Gallo aux USA a isolé pour la première fois déjà un rétrovirus, un autre, chez l'humain, le HTLV-1. Ce virus, il cause dans des rares cas des leucémies chez l'homme, sinon il n'est pas vraiment pathogène. Mais donc c'est une découverte très récente, c'est-à-dire que des rétrovirus pouvaient toucher l'homme, qui a inspiré les recherches du professeur Montagnier, qui se sont dit, bon, ben, on va essayer de voir si ce ne serait pas par hasard un rétrovirus. Et c'est une coïncidence qui est vraiment frappante, parce que la reverse transcriptase, elle a été découverte en 1970. Les progrès en culture cellulaire, ils ont eu lieu pendant les années 70. Et cette découverte d'un rétrovirus humain, elle a lieu en 1980. Ces trois découvertes-là, elles vont conditionner la découverte du virus. Et il est à peu près certain que si on avait eu, enfin ça c'est certains auteurs qui le disent, et je pense que c'est assez vrai, si le VIH était apparu 5-6 ans plus tôt, on ne l'aurait pas découvert en fait. Et donc ça aurait eu des conséquences encore pires, on n'aurait pas pu faire de tests diagnostiques, on n'aurait pas pu mettre de traitement en point, etc. Donc effectivement, dans les cultures du professeur Montagnier, ils trouvent une activité reverse transcriptase. Donc ils observent les cellules au microscope électronique et ils observent le virus. Donc ils l'appellent le lymphadénopathique associated virus, LAV. C'est seulement plus tard qu'on lui donnera le nom de VIH. Donc voilà, donc on a le coupable, okay. c'est le VIH, enfin le LAV. D'accord, donc ça c'est en 83, hein, alors que les 80. Premiers cas signalés par Weissmann étaient en 79. Exactement. Non, le signalement, en fait, Weissmann a eu ses premiers cas en 79, mais le signalement a eu lieu en 81. Ouais. D'accord. Donc, on a découvert le virus 2 ans après le signalement. Mmh. Donc, maintenant qu'on a le coupable, on va essayer de chercher quand est-ce qu'il est apparu, d'où est-ce qu'il sort. Donc, pour ça, on va essayer de faire des diagnostics rétrospectifs, c'est-à-dire qu'on va regarder dans les cas passés et on va essayer de voir si ça pourrait pas être du VIH. Pour essayer de le pister, quoi, de le remonter à la source. Donc pour ça, on dispose de plusieurs moyens. On a l'épidémiologie d'abord. Donc l'épidémiologie, c'est quoi? Ça va être les équipes de James Curran, donc le médecin qui travaillait au CDC. Il va essayer de faire d'interroger un peu les patients, d'interroger les médecins pour essayer de remonter les cas. Donc très rapidement, ils mettent au point un réseau, un maillage des patients, des premiers contaminés aux États-Unis. Et ils mettent en évidence qu'il y a deux réseaux au centre duquel gravitent un peu tous les autres patients. Et au centre de ces deux réseaux, donc un à Los Angeles, un à New York, et au centre de ces deux réseaux, il y a celui qu'ils considéreront comme le patient zéro. C'est Gaëtan Dugas. C'est un commissaire de bord québécois-canadien. Il est très actif sexuellement. On estime qu'il pourrait avoir contaminé 250 partenaires par an jusqu'à sa mort en 84. On a longtemps pensé que c'était lui qui était à l'origine de la contamination aux États-Unis. Il faut savoir que même prévenu de sa contagiosité, il a poursuivi ses pratiques à risque parce que dans ces cas-là, il y a une sorte de sentiment de vengeance qu'ont les gens. Et donc, ils continuent, ils ne veulent pas faire bénéficier, eux, le fait de savoir qu'ils sont contagieux, ils ne veulent pas le faire bénéficier aux autres parce qu'eux n'ont pas pu en bénéficier. C'est assez fréquent. Mais cependant, on verra plus tard que l'hypothèse du Gaëtan Dugas comme patient zéro ne tient pas parce que des cas antérieurs ont été découverts aux USA et qu'on n'a pas réussi à relier Gaëtan Dugas au foyer africain. Donc ça, c'est pour l'épidémiologie. D'autre part, on va étudier la littérature médicale, c'est-à-dire les cas, parce que les médecins consignent leurs cas cliniques dans des revues, dans des banques de cas, etc. et après on peut les consulter. Donc en fait, en consultant la littérature médicale, on va rechercher quoi? On va rechercher des infections opportunistes qui sont assez caractéristiques du VIH en fait. Parce que par exemple, dans les infections opportunistes qui caractérisent le sida, il y a la tuberculose, mais la tuberculose, c'est pas seulement le sida. Donc on va chercher celles qui sont spécifiques. Mmh. Et parmi elles, il y a le sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi, on va le traquer un peu dans l'histoire pour voir où est-ce qu'il y a des cas et si ça pourrait pas être du VIH. Donc c'est une maladie qui a été découverte en Autriche. On en a en 1872. On a décrit beaucoup de cas à travers l'Europe depuis. Mais il y a toujours des petits indices. On se dit, bon, c'est toujours des hommes, c'est toujours des adultes. Après, sans tomber dans les clichés, il y a soit des gens qui viennent de Vienne, soit des gens qui viennent d'Italie, de Milan, etc. Donc on peut penser que c'est des villes qui étaient à forte activité homosexuelle, mais bon, c'est pas vraiment des preuves, quoi. Donc on n'arrive pas à faire de lien entre ces sarcomes de Kaposi et le VIH. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle, vers 1948, il y a eu une épidémie de sarcome de Kaposi en Afrique. Donc ça, c'est intéressant quand même, parce que on pense bien que on s'imagine déjà que le virus vient d'Afrique, et on se dit que ça pourrait peut-être être lié. Mais bon, c'est pas ça, parce que dès 1984, ils vont faire des tests sérologiques en Afrique sur les patients qui ont encore des sarcomes de Kaposi. Et en fait, ils s'aperçoivent que le taux de VIH parmi ces patients, il est le même que dans le reste de la population. Okay. Donc en fait, les sarcomes ne sont pas liés au VIH là-bas. Donc voilà pour la littérature médicale. Maintenant, on peut voir les diagnostics sérologiques. Donc les diagnostics sérologiques, en fait, même à l'heure actuelle, c'est la seule preuve, enfin, une des seules preuves à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était la seule preuve formelle d'une infection par le VIH. Donc la solution, c'était de mettre en évidence dans le sérum des anticorps dirigés contre le virus. Alors on s'est affairé donc, à chercher dans tous les échantillons de sérum qu'on avait qui pouvaient présenter un intérêt, à traquer des premiers cas d'infection. Aux États-Unis, les études épidémiologiques ont montré que les premiers cas décrits remontaient à 1978. Donc en fait, c'était 78. Mais en fait, ils ont fait une étude qui montre que sur 1129 échantillons prélevés en 71, en 1971 déjà, il y en avait 14 séropositifs. Donc en 1960, ouais. En fait, c'est pas 1% de la population. Excuse-nous, Franck, j'ai une coupure. Tu peux reprendre, oui. Quand tu disais qu'en 71, on avait 14 cas positifs. Oui. En 71, on avait 14 positifs, oui, c'est ça, sur 1129 échantillons. Donc c'était des échantillons qui étaient prélevés sur des toxicomanes, je crois, donc c'était une population à risque. Mais ça prouve que déjà en 71, on avait presque 1%. D'une certaine population à risque qui était contaminée. Donc c'est une découverte assez importante qui montre que les premières contaminations sont très antérieures, par exemple au patient zéro, Gaëtan Lugas, qui a débuté sa période d'activité vers 72, on estime. Les estimations disent que le VIH serait arrivé aux États-Unis en 68, mais bon, c'est des estimations. La chose importante, l'information capitale de ces diagnostics rétrospectifs, c'est... La plus ancienne infection par le VIH prouvée à ce jour, elle remonte à 1959. C'est un sérum. Pas grand-chose, mis à part que c'était un homme et qu'il vivait en République démocratique du Congo. Et qu'il a été prélevé dans une campagne de vaccination. C'est la preuve la plus ancienne d'infection. Après, il y a d'autres preuves qui sont relativement certaines d'infections anciennes. Il y a par exemple des prélèvements en Europe qui ont été réalisés sur... il y a un marin norvégien notamment qui témoigne d'une infection par le VIH en 1966. Il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas tous les détailler, mais tout ça, ça prouve en fait, ça prouve quelque chose, ça prouve qu'il y a eu des infections certaines par le VIH qui sont antérieures à l'épidémie qu'on a connue dans les années donc 80. Mais que ces contaminations qu'on a eues auparavant... elles n'ont pas du tout donné lieu à des propagations massives du virus au sein de la population comme on a eu. C'est ça qui est surprenant. C'est ça qui est très surprenant, exactement. Et donc, c'est là-dessus que je vais revenir un petit peu après. Parallèlement donc, au diagnostic sérologique, On a fait des études phylogénétiques. Donc la phylogénétique, je ne sais pas si le principe vous connaissez. On connaît, on connaît. On a eu une grande émission là-dessus. L'évolution, ouais, bien sûr. Ben, en fait, on a fait des études phylogénétiques sur le virus. Donc, on connaît la vitesse de mutation du virus qui est de 1 nucléotide sur 1000 par an. Et on connaît à peu près la diversité du virus parce qu'on connaît toutes les souches qu'il y a. Donc, on peut dater à peu près l'ancêtre commun du virus chez l'homme. Et donc, les résultats, ils sont assez importants. Il donne une fourchette qui va de 1885 à 1935, suivant les études. Donc, après, la fourchette en elle-même, elle n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'on voit, c'est que c'est largement antérieur, encore une fois, à l'épidémie. Donc, on sait que le virus existait bien chez l'homme avant 70. On sait que l'épidémie, elle s'est déclarée qu'à ce moment-là. Même en Afrique, on sait, grâce au prélèvement sérologique, qu'il n'y avait pas de dissémination massive du virus dans la population auparavant. Donc, il y a une vraie énigme à ce sujet-là. Donc, pourquoi il y a eu une explosion seulement à ce moment-là? Alors, là, maintenant, on sort un peu de la science, on tombe un peu dans l'interprétation. Donc, ça, c'en est une. C'est un petit peu ce que je pense, moi, ce que d'autres scientifiques, enfin, ce que j'ai lu, qui était pensé par d'autres scientifiques, mais ce n'est pas des preuves. Là, ça relève pas des certitudes. Mais la réponse pourrait résider dans le fait que, dans le principe, qu'une maladie, en fait, quand elle est due à un parasite, quand c'est une maladie infectieuse, elle est étroitement dépendante des comportements et des modes de vie de son hôte. Donc, ça peut paraître évident, mais c'est pourtant la clé de cette épidémie. Si on prend par exemple le comportement alimentaire et fécal de l'homme, donc maintenant on sait qu'on protège notre nourriture, on ne laisse pas les animaux circuler dans les cultures, on nettoie les aliments avant de les manger et on évacue nos eaux usées, on les évacue dans les rivières. Et ben, ce genre de comportement, c'est crucial parce que ça permet d'éliminer des maladies comme par exemple le choléra. Le choléra, c'est une bactérie qui se développe dans les intestins et qui est évacué avec les selles et qu'on réabsorbe, et c'est très contagieux. Et bien là, on voit qu'un comportement en particulier, il a permis d'éradiquer un parasite. En revanche, si on prend un autre exemple, l'exemple inverse, on sait que le chat, il vectorise la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une maladie qui crée des déformations quand les femmes enceintes l'attrapent, ça crée des déformations très graves chez les enfants. Et pourtant, on continue à domestiquer les chats. Donc on a un comportement qui permet aux parasites de continuer à nous parasiter finalement. Donc on voit qu'en fait nos comportements sont étroitement liés à l'existence de parasites parmi notre population. Donc quels sont, si on regarde les modifications des comportements de nos modes de vie pendant les années 70, quels sont ceux qui permettent d'expliquer l'émergence du virus? Avec en plus ce qu'on sait sur ces modes de contamination qui sont sexuels, sanguines ou de la mère à l'enfant. Donc, si on regarde en Afrique, si on s'interroge sur les modes de vie en Afrique, on voit qu'avant la colonisation et donc la christianisation du continent, les unions durables, elles sont rares en Afrique noire. Il y a beaucoup de polygamisme, etc. Cependant, il y a un interdit sur la prostitution. Il y a quasiment pas de prostitution, c'est interdit. Et en plus, il y a une fermeture sexuelle à l'étranger. C'est-à-dire que dans les villages, l'étranger, il restera étranger tout le temps. On va jamais le tolérer dans les cercles. Donc en fait, finalement, c'est très fermé. Et il y a un modèle social qui est rural en petit village qui va favoriser l'imposition et le maintien de ces interdits sociaux. Et à l'arrivée des colons européens, le modèle social africain va être complètement bouleversé. C'est-à-dire que les cercles vont être détruits. Et à la décolonisation, ça va être encore pire. Il va y avoir toutes sortes de modifications. Il va y avoir la transition démographique avec l'augmentation de la population qui va mener à l'exode rural, etc. Donc l'exode rural, oui, lui-même va mener à l'explosion de la prostitution en milieu urbain. Et voilà. Si on regarde en République démocratique du Congo, l'indépendance a eu lieu en 1960. Et par exemple, Kinshasa, qui est la capitale, la population a triplé en l'espace d'un peu plus de 10 ans, je crois. Donc on a toutes sortes de facteurs qui vont modifier le mode de vie des gens et qui vont pouvoir expliquer la contamination du VIH. Parce que par exemple, la prostitution en milieu urbain, ça fait que des femmes étaient conduites à avoir des relations sexuelles avec plusieurs centaines d'hommes par année. Donc c'est quelque chose d'assez marquant. Donc c'est Mais cependant... le développement de ces pays-là qui finalement a permis la génération de l'épidémie. Ben, oui, en fait, c'est la transition démographique qui a augmenté la taille des populations, qui a conduit à l'exode rural. C'est tout un ensemble de facteurs, en fait. C'est difficile de résumer, mais c'est ouais, quelque part, c'est le développement, ouais. C'est l'apport, c'est le changement de le changement de leur mode de vie, quoi. Mais donc ce changement-là, si on regarde, ça n'explique pas tout, ce changement donc démographique, explosion de ville, etc. Parce que si on regarde au Zimbabwe, c'est un pays qui a été pareil, qui a été décolonisé, etc. Et dans les années 80, on voit qu'il y a une augmentation du VIH, mais qu'il y a une diminution des autres infections sexuellement transmissibles. Donc, si c'était juste par voie sexuelle, les autres infections augmenteraient aussi. Ouais, Et donc, logiquement. voilà. Donc, il y a d'autres facteurs. Donc, parmi ces autres facteurs, il y en a qui sont évoqués. Il y a les grandes campagnes de vaccination par la médecine occidentale. Donc, pour ces grandes campagnes, on utilise souvent des seringues en verre. Et donc ça, évidemment, ça favorise la propagation du VIH. Mais il y a des limites à cette théorie, c'est que souvent les hommes contaminés en Afrique sont jeunes, enfin comme ailleurs d'ailleurs. Mais les vaccinations touchent les hommes de tous les âges. Donc il y a un petit paradoxe là-dessus. C'est pas évident. Donc ça, c'est pour l'Afrique. Maintenant, si on regarde aux États-Unis. Quelles sont les grandes modifications qui ont pu toucher l'Amérique et qui ont pu expliquer cette épidémie? Ben, en fait, il faut regarder la vision de l'homosexualité aux États-Unis, comment ça a évolué. Donc, jusqu'aux années 50, les homosexuels, ainsi que beaucoup de minorités américaines, étaient brimés. L'homosexualité était considérée comme une maladie. On les soignait, de gré ou de force, en fait, hein. Et dans les cas récalcitrants, ça pouvait aller jusqu'à la lobotomie. Au début des années 80, il y a eu c'est la fin d'un combat non violent pour l'ouverture des mœurs aux États-Unis, et il y a une meilleure tolérance des minorités qui s'est installée. Et donc, au début des années 80, si on regarde avec cette évolution, dans la ville de San Francisco, on voit qu'il y a des sortes de ghettos pour minorités, où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et donc, à San Francisco, il y a 100 000 homosexuels qui vivent, et 50 000 d'entre eux sont dans le centre-ville. Il y a une multiplication des bars gays. Et les rencontres comme ça sont favorisées. Un homme pouvait avoir plus de 100 partenaires par an facilement. Donc il faut bien voir que de tels regroupements d'homosexuels revendiqués comme ça, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu ça. On peut citer le quartier de Castro ou le Greenwich Village à New York, qui sont des lieux célèbres. Et on voit aussi que, bien sûr, donc New York, San Francisco, Los Angeles, c'est bien sûr les foyers de l'épidémie aux États-Unis. Donc ça, c'est une des modifications. Donc c'est le développement massif comme ça de l'homosexualité. Il y a eu aussi la médecine occidentale qui a participé, parce que si on regarde par exemple le cas des hémophiles, l'hémophilie, il y a environ 15 000 hémophiles aux États-Unis. Et ben 50% d'entre eux étaient séropositifs en 84. Et à San Francisco, 80% des hémophiles étaient séropositifs. Donc, on voit bien que là, c'est évidemment la médecine qui a favorisé l'épidémie. Mais cependant, l'hémophilie. Ouais, enfin la médecine, c'est un peu un raccourci là. C'est plutôt le manque d'hygiène dans les Oui. procédures de collecte du sang, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est disons que c'est le. Oui. Dire la médecine, c'est un petit peu général, je suis d'accord. Ouais, Ouais, mais c'est vrai. disons, c'est le fait qu'on ait soigné les hémophiles en fait, alors qu'on ne le faisait pas avant finalement, Voilà, qui a exactement. permis la contamination, c'est ça. Voilà. Mais bon, de toute manière, oui, si on les soigne pas, souvent ils risquent de mourir. Donc, Ouais, ils étaient de toute façon mal barrés. voilà, exactement. Mais ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que quand même, les transfusions sanguines pour les hémophiles, ça a commencé dans les années à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pas un facteur nouveau. C'est-à-dire que ça faisait déjà longtemps qu'on les. Donc c'est pas ça qui a déclenché. Enfin, ça, c'est des facteurs qui peuvent aider, mais c'est pas le facteur déterminant. Bon, après, il y a d'autres facteurs comme la drogue intraveineuse, qui bien sûr s'est développée avec les mouvements hippies notamment, etc. Le tourisme sexuel international, tout ce genre de choses, c'est évidemment des cofacteurs de l'épidémie. Donc, c'est bien un ensemble de comportements nouveaux qui sont au centre de la diffusion du VIH. On peut imaginer que des contaminations aient eu lieu auparavant, c'est même sûr, enfin, c'est prouvé et c'est pas étonnant, mais. En l'absence de ces facteurs, il n'y a pas pu y avoir d'épidémie. Je On ne sait pas trop pourquoi, et c'est intéressant parce que on essaie de savoir d'où vient, quand on essaie de savoir d'où vient l'épidémie aux États-Unis, on pense à Haïti souvent parce que les Haïtiens sont accusés de l'avoir importé. Mais en fait, il semblerait plutôt que ce soit l'inverse, que l'épidémie soit allée des États-Unis à Haïti. Parce qu'on a D'accord. par exemple, on a par exemple une étude qui montre que sur des sérums prélevés de 77 à 79 à Haïti, on a un taux de séropositivité de 0%, alors qu'on a vu qu'aux États-Unis, c'était largement positif Ouais. avant. Donc, ce serait plutôt l'inverse. Mais bon, là-dessus, il n'y a pas de enfin, il n'y a pas de certitude encore. Les théories divergent. Donc, voilà pour les origines de l'épidémie. Donc, le facteur clé, quand même, le facteur clé, c'est la promiscuité sexuelle qui régnait donc à la fois en Afrique, dans les villes post-coloniales comme Kinshasa, où il y avait beaucoup de rapports comme ça avec la prostitution, ce que je dis. Et aux États-Unis, à San Francisco, New York, etc., on avait des situations de promiscuité sexuelle qui étaient totalement inédites, hein, dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces villes, avant l'épidémie de sida, il y a eu aussi une épidémie, une flambée des maladies sexuellement transmissibles. Donc cette flambée-là, elle peut être bien sûr attribuée à l'immunodépression qui est liée au VIH, mais elle montre en elle-même aussi que les comportements étaient vraiment favorisés la flambée des maladies sexuelles. Ouais, le terrain était prêt en somme. Voilà, le terrain était prêt, exactement. Donc maintenant, pour finir, on va voir comment le virus, donc là, on voit comment il a éclos dans l'humanité, comment il s'est répandu. Maintenant, on va voir comment il est apparu chez l'homme et même avant. D'accord. Alors, auparavant, juste un petit point sur les maladies nouvelles, en fait. Il y a des maladies qui sont nouvelles et des maladies qui sont anciennes, en fait. Certaines maladies sont vieilles comme l'homme, en fait. On peut citer, par exemple, les bactéries pyogènes qui infectent la peau. Elle touchait déjà les mammifères, c'était les mêmes, et on se retrouve avec les mêmes maladies. Par exemple, quand on se fait une plaie, ça s'infecte, on a du pus. Ce sont les mêmes bactéries qui infectent les mammifères. On peut citer pareil la scarlatine. La scarlatine, c'est dû à un streptocoque. C'est une maladie qui est aussi vieille que l'homme. On peut citer le paludisme, qui infecte aussi le singe et qui a été transmis à l'homme. On peut citer les vers intestinaux, etc. Dans ces cas-là, on parle de transmission verticale, c'est-à-dire que c'est des maladies qui ont suivi l'évolution des mammifères jusqu'à nous. Mais il y a aussi les maladies nouvelles dont on peut tracer l'apparition chez l'homme. Donc ces maladies nouvelles, il y en a plusieurs types. Je vais peut-être pas les détailler parce que je sais pas si j'ai le temps. Mais ça peut être par exemple quand il y a une nouvelle zone géographique qui s'offre à la maladie. C'est comme par exemple quand les conquistadors ont ramené la syphilis. Enfin bon, maintenant on sait qu'elle était sûrement déjà en Europe, mais bref, ils ont ramené la syphilis d'Amérique. Et là, la syphilis s'est répandue dans toute l'Europe. Donc ça peut être géographique, c'est-à-dire qu'elle existait déjà en Amérique, elle s'est développée en Europe. Ça peut être nouveau, totalement nouveau également, comme par exemple la tuberculose. La tuberculose, elle est apparue au néolithique. L'homme a commencé à domestiquer les bovins. Et en domestiquant les bovins, il s'est mis au contact d'un germe, donc Mycobacterium bovis, qui causait la tuberculose. Donc dans le cas du virus, du sida, on sait que ça existait avant l'épidémie, mais bon, on sait quand même pas si c'est apparu en même temps que l'homme. Donc, on va voir un petit peu. On va revenir un petit peu sur les rétrovirus. On sait qu'il y a trois types de rétrovirus. Il y a les oncovirus qui donnent des cancers, les lentivirus dont fait partie le VIH et les spumavirus. On sait que les oncovirus donc causent des cancers. Attends, excusez-moi, non. On sait que les rétrovirus, ils sont très très anciens. Ils existent depuis très longtemps, depuis bien avant l'homme. Notre génome, par exemple, il contient des génomes de virus qui sont intégrés et qui sont endormis depuis des millions d'années. Il est probable même qu'on a des virus de dinosaures dans notre génome. Mais est-ce que c'est le cas du VIH? Alors, on sait que les lentivirus, donc, dont fait partie le VIH, ils donnent des infections lentes et ils ont pour caractéristique d'être cytopathogènes. On connaît donc cinq groupes qui vont infecter cinq groupes de mammifères. On a les bovins, les équidés, les félins, les caprins et les primates. On a découvert celui du félin, donc du chat, on l'a découvert après avoir découvert le VIH. Et pareil pour celui du singe, le SIV, On l'a découvert après le VIH, en 1985. Et quand on Donc, a juste découvert. le FIV et le SIV, c'est l'équivalent du HIV Oui, chez les tout à fait. félins et chez les primates, c'est ça? Exactement, D'accord. exactement. Donc, quand on a découvert le VIH, le virus d'immunodéficience du singe, du simien en fait, on s'est aperçu qu'il était très analogue à l'humain. Donc là, on s'est dit, autant d'analogies, c'est pas possible, il y a forcément un lien de parenté entre les deux. Donc on a déterminé que le VIH descendait d'un groupe de SIV infectant le singe et qu'il y avait eu une transmission interespèce. Donc voilà. Donc, à ce sujet-là, donc il ne faut pas s'inquiéter pour le FIV du chat. Celui-là, on sait qu'il n'est pas transmissible à l'homme. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur des chats à partir de maintenant. Donc on a cherché ensuite à expliquer comment ce virus pouvait être passé du singe à l'homme. Alors là, pour ça, il y a beaucoup de théories, dont certaines sont très fantaisistes, qui ne sont pas étudiées. Je vais parler que de la principale, hein. C'est la piste du chasseur de brousse, comme on dit. Et donc voilà. Alors, elle est basée sur la consommation de viande de singe par l'homme en Afrique depuis très longtemps, et a fortiori en période de pauvreté. Dès lors, on a des circonstances de contamination qui sont évidentes, les morsures par le singe, coupures lors de la préparation de la viande, et il y a des pratiques chamanes. Par exemple, il y en a une que j'ai vue, c'est de s'enduire l'entrejambe avec du sang de singe. Bah, là, voilà, c'est sûr que ça crée un risque. Donc là, cette contamination interespèce, elle est très probable. Et récemment, il y a une étude qui est parue dans le The Lancet, qui est assez inquiétante. Ils ont pris des sérums en fait sur 1000 personnes au Cameroun. Et ils sont aperçus que 1% d'entre eux étaient contaminés par un virus simien, le simian foamivirus, qui est un spumavirus, donc c'est un rétrovirus comme le VIH et le SIV. Et on pensait qu'il était spécifique du singe, mais en fait on s'est aperçu qu'il y avait encore des transferts de virus depuis le singe vers l'homme en Afrique. Wow. Même alors, c'est à l'heure actuelle, hein, c'était après 2000. Ouais. Donc, cette contamination, elle montre que en fait que le passage est tout à fait possible et donc les scientifiques qui ont fait l'étude, ils prônent l'abolition totale de la consommation de viande de singe pour prévenir l'émergence d'un nouveau virus, parce que c'est vrai que voilà, Une il y a un petite risque. question. Est-ce que tu sais si chez les singes, il y a eu une épidémie aussi virulente qu'on peut voir chez nous durant ces 20-30 dernières années, ou c'est un virus qui est plus ou moins stable chez les populations Non, non, ouais, effectivement. Chez le singe, c'est différent. J'en ai pas parlé, j'aurais dû. Effectivement, c'est que la maladie est beaucoup moins virulente. Elle est quand même mortelle, mais pas dans tous les cas, et elle est beaucoup moins virulente. Et puis, il y a aussi autre chose qui est assez intéressante, c'est que chez les singes, en fait, et c'est là que c'est intéressant pour faire le parallèle avec l'homme, c'est que chez les singes, en fait, les comportements sexuels, ils sont fermés, en fait. Ouais, ils ont pas Les changé. Ils n'ont pas changé. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a peu de singes qui sont contaminés parce que justement, ils n'ont pas ces facteurs de, ils n'ont pas les mêmes facteurs que nous, d'expansion du virus comme ça à grande échelle. Et donc oui, chez le singe, il y a beaucoup de sous-types de virus en fait. Hein. Ça, j'en parlerai plus tard. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y en a une trentaine, je crois. Donc voilà, donc le singe, le virus peut passer du singe à l'homme, et c'est probablement ce qui s'est passé dans le cas du VIH. Il y a quand même encore des questions qu'on se pose, parce qu'en fait, on a fait des études, on a réussi à remonter le virus jusqu'à son ancêtre le plus probable chez le singe. Donc ça proviendrait de chimpanzés du Cameroun pour le VIH1, hein, parce que je ne me suis pas trop attardé sur la différence entre VIH1, pardon, entre VIH1 et 2. Donc là, je parle surtout du VIH1 qui est antérieur au VIH2. C'est juste un modèle pour comprendre comment ça s'est passé. Donc en fait, en remontant les ancêtres du VIH1, on voit que ça provient de chimpanzés qui vivraient au Cameroun. Et l'épidémie en Afrique se serait plutôt déclarée au Congo, donc à plusieurs centaines de kilomètres de là. Donc on ne sait pas trop comment ça a pu aller du Cameroun au Congo. On ne sait pas également comment est-ce que le VIH... simien a pu s'adapter à l'homme. Est-ce qu'il y a eu des recombinaisons entre différentes souches simiennes? Ou bien est-ce qu'il a suffi que le virus mute rapidement une fois passé chez l'homme? On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Ce qui est probable, c'est qu'en fait, le VIH, dans sa forme à peu près actuelle, soit apparu chez le singe et après a été transmis à l'homme, en fait. Mais bon, il n'y a pas de certitude à ce sujet-là, et puis je pense qu'il n'y en aura pas sous peu. Mais malgré ces incertitudes, ça reste quand même cette théorie qui est la plus probable. Il y a d'autres théories, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il y a la théorie du vaccin contre la poliomyélite, qui a fait beaucoup couler d'encre, qui est basée sur le fait qu'en fait, dans les années 60-70, les labos américains ont fait des études pour faire un vaccin contre la polio, donc justement au Congo, donc le centre de l'épidémie en Afrique. Ils ont utilisé des. Donc voilà, la coïncidence est un petit peu malheureuse et ça. Excuse-moi, j'avais un peu tard, mais ça a coupé là quand tu parlais de la polio. Tu peux juste revenir 3, 4, Au 5 tout phrases début? en arrière? J'ai un Ouais. moment clé que j'ai raté. Okay. Donc la polio, c'est une autre théorie pour expliquer le passage du singe à l'homme, c'est qu'il y a des labos qui ont fait des tests pour un vaccin contre la poliomyélite dans les années 60, dans les environs du Congo, et ils ont fait des tests aussi, ils ont essayé le vaccin sur les populations. Donc il y en a beaucoup qui pensent que ça pourrait permettre le passage du virus. Effectivement, la coïncidence est troublante, mais bon, on ne peut pas affirmer. Parce que pour que ce soit possible, il faudrait que les labos aient utilisé des chimpanzés pour faire le virus, parce que la paternité du chimpanzé dans le virus, elle n'est pas remise en cause. Donc il faut qu'il y ait des chimpanzés dans l'histoire. Or, les labos disent qu'ils n'ont pas utilisé de chimpanzés. Et en plus, on n'est pas sûr que la contamination par l'intermédiaire de la prise du vaccin, qui est un vaccin oral a priori, est possible. Donc voilà, il y a des impossibilités. Ouais, je crois que c'est une thèse qui était complètement réfutée finalement, non? Enfin, c'était en vogue à une certaine époque, mais ça tient plus la route, si? Non, non, moi je pense que ça tient plus leur. Bah, après, il n'y a pas de vérité dans la matière, donc il y aura toujours des gens pour défendre des thèses Ouais, complètement bien farfelues. sûr. Mais non, effectivement, je pense que si on demande à n'importe quel scientifique qui s'y connaît, il dira que c'est n'importe quoi. Mais bon, ouais, c'est bien de le signaler. Donc ensuite, il reste plus qu'à. Donc une fois qu'on a expliqué le passage de l'homme, du singe à l'homme, il reste plus que la question un peu subsidiaire de l'origine chez le singe du virus, du SIV. Donc pour ça, on a fait des études phylogénétiques sur les singes du Nil, l'île de Bioko, qui est au large du Cameroun en fait. C'est une île qui a été séparée du continent il y a 10 000 ans. Donc on s'est aperçu que les singes sur cette île avaient le VIH. Donc déjà, on sait que il est apparu il y a plus de 10 000 ans. Oh, wow. En faisant une étude de phylogénétique, on a réussi à dater l'apparition de l'ancêtre commun entre les souches de Bioko et du continent à au moins minimum 32 000 ans. Ben. Donc c'est beaucoup moins que ce qu'on pensait. Au début, on pensait que c'était quelques milliers d'années. Maintenant, on sait que c'est beaucoup plus. C'est un peu une mauvaise nouvelle parce qu'on espère beaucoup qu'avec le temps, bon, de toute façon, ça se compte en centaines d'années, mais qu'avec le temps, le VIH va devenir moins pathogène chez l'homme. Comme le VIH l'est chez le singe. Et donc là, forcément, quand on voit qu'il est depuis 32 000 ans chez le singe, ben, on se dit que ça va prendre du temps, quoi. Donc voilà. Ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour. En conclusion, je voulais parler un petit peu de la thérapeutique. Maintenant, il faut savoir que depuis les années 95, 96, il y a les trithérapies qui sont sorties avec les inhibiteurs de protéase. Et ça a augmenté considérablement l'espérance de vie, ça a augmenté de plus de 15 ans. Maintenant, quand on est diagnostiqué avec un VIH à 20 ans, on a 30 ans d'espérance de vie moyenne, hein, donc ça peut être plus, comme ça peut être moins, hélas. Et donc il y a quand même des gros progrès qui ont été faits grâce à ces médicaments. Donc pour conclure vraiment, on peut dire que la rencontre entre le VIH et l'homme, ça a eu des conséquences désastreuses, mais cette rencontre, elle est antérieure à 81, donc l'année de la révélation de l'épidémie, et qu'en fait, c'est une maladie qui est une maladie de la société, quoi. C'est une maladie qui est liée à nos comportements, et que c'est ces cofacteurs-là qui expliquent l'explosion de l'épidémie. Voilà. C'est ouais, super. Moi, je trouve ça complètement paradoxal parce que finalement, on change nos comportements pour acquérir un bien-être supplémentaire, finalement. Oui, Et oui, puis, on oui. voit que ben voilà, il y a des nouvelles maladies qui apparaissent dues à ces Exactement. changements de comportement. Donc, c'est un peu paradoxal, mais ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est très paradoxal. Mais justement, et maintenant, avec les succès de la thérapeutique, En fait, on se réadapte au comportement, enfin, on trouve des nouveaux comportements pour s'adapter à l'évolution induite par l'évolution de nos comportements déjà. Enfin, c'est toute une chaîne d'évolution qui fait que bon, bah, y a un espoir aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est très surprenant tout ça. Enfin, cette chronologie. Alors, évidemment, on voit bien en quoi les changements de comportement ont eu un rôle dans la propagation du virus, enfin dans l'épidémie. Ouais. Mais ce que je trouve vachement troublant, c'est que en parallèle, la science a progressé. Enfin, le calendrier de la science a permis d'identifier le virus. Enfin, les progrès technologiques à l'époque ont permis de l'identifier au moment où justement il fallait qu'on puisse l'identifier. Enfin, c'est très très troublant quand même tous ces trucs-là. Ça, c'est vraiment très très troublant, ouais, cette histoire du fait que le virus est apparu à peu près quand on a pu le reconnaître. Ouais. C'est vrai que c'est une coïncidence assez fascinante. Ouais. Il y a ouais, beaucoup de coïncidences en fait dans cette histoire. Ouais. C'est voilà, à méditer sans doute. Je sais pas s'il y a un sens à y trouver, peut-être pas. Ouais. Je pense que gros coup de bol finalement qu'on ait eu la technologie au point juste à ce moment-là pour pouvoir comprendre à quoi on avait affaire. Bon, je pense que moi, si on l'avait pas eu, on se serait donné les moyens quand on aurait découvert la maladie et puis ce serait arrivé quelques années plus tard. Mais ça, c'est pas sûr du tout parce que non. Tu sais, quand Montagnier l'a découvert en 83. Les Américains, ils étaient encore en train de chercher, enfin, ils cherchaient pas du tout dans la bonne direction, et ils n'étaient pas du tout en passe de le découvrir, le virus. Hein. Parce qu'on, enfin bon, je suis bien sûr qu'on aurait fini par le trouver et s'adapter, mais je pense qu'on a quand même gagné, on a quand même gagné quelques années, quoi. Ouais. Et ces années-là, elles valaient très cher, parce qu'on a, comme ça, on a pu c'est faire sûr. Un test, les tests diagnostiques en 84, ils ont permis de, bah déjà, ça a permis de dépister tout le monde, de permettre aux personnes séropositives d'éviter. De contaminer de nouvelles personnes. Enfin, on peut pas réécrire l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un gain formidable, quoi, qu'on puisse le trouver aussi vite, quoi. Ouais. T'as dit que les premiers antirétroviraux, c'était au milieu des années 80 déjà? Non, non, pardon. Les inhibiteurs de Les protéases. inhibiteurs de protéases, ouais. C'est eux qui ont vraiment révolutionné, en fait, qui ont révolutionné l'espérance de vie, hein, en fait. Hein. Ouais. Les premiers antirétroviraux, je crois qu'ils datent de 89, quelque chose comme ça. C'est ceux, en fait. Ceux-là, ils agissaient sur la reverse transcriptase, justement, qui D'accord. synthétise l'ADN. Après, la découverte majeure, c'est qu'on a agi sur la protéase virale. Donc ça, c'est une enzyme du virus qui découpe tout simplement les protéines. Et là, c'est là que ça a été un progrès fondamental dans l'espérance de vie. Je ne veux pas minorer l'impact du VIH, mais en France, actuellement, il y a, je crois, 300 morts par an, hein, pour le VIH. C'est plus grand chose en fait. Ouais, j'ai vu aussi, il y a des papiers qui circulent en ce moment. Je crois que le taux de mortalité en France en particulier est devenu tout à fait marginal. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est épatant, parce que c'est vrai que quand on pense au sida, on se dit qu'on a beaucoup traîné en fait, qu'on a affaire à un virus difficile à maîtriser. Et qu'on recherche, enfin les recherches sur le vaccin piétinent, mais enfin, avec cette perspective, en t'entendant raconter l'histoire du début à la fin, je me rends compte qu'on est quand même allé vachement vite, quoi, entre les premiers cas découverts. Découverte. Ouais, ouais. Enfin, ce lien qui a été fait, j'ai encore pas compris d'ailleurs comment James Turan a réussi à faire le lien entre les sarcomes de Kaposi et les pneumocytoses. Ça semble pas du tout pas du tout évident. Pourtant, il l'a fait très rapidement. Puis là aussi, on a pu vrai, gagner beaucoup de temps. La conduite du CDC, elle a été exemplaire. En fait, tout le ouais, monde s'accorde. C'est juste incroyable. Hein ouais, ils ont été très forts. Enfin, l'une dans l'autre, comme ça, alors qu'on a affaire à une sale bête dont on sait maintenant qu'elle a plus de 32 000 ans, et elle a eu le temps de faire son nid, enfin, à l'échelle de l'évolution, ça compte, quoi. Là, en quelques dizaines d'années, finalement, on a quand même réussi à trouver des parades, enfin, à comprendre de quoi il s'agissait, à trouver des parades extrêmement efficaces, même si c'est pas encore la panacée. En définitive, on est allé vraiment très vite, finalement. Ouais... Ouais, on peut dire ça. Ah, mais il me semble. Enfin, non, c'est vrai qu'en une vingtaine d'années, on a réussi à mettre en place des trithérapies qui résoutent quand même pas mal de problèmes chez les malades. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et 20 ans sur l'échelle de l'histoire des maladies de l'homme, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vrai ça. Il y a un truc pour lequel on n'est pas allé vite, c'est ça a été, j'ai beaucoup lu ça a été beaucoup reproché, c'est l'intervention des politiques en fait dans la prévention. Ils ont mis beaucoup beaucoup de temps à demander aux gens qui sont contaminés de plus avoir de relations sans préservatif, des relations à risque. Et ils ont mis beaucoup beaucoup de temps à réaliser l'ampleur du problème en fait. Je crois que la première conférence de l'OMS, enfin la première réunion entre les chefs d'État pour trouver des moyens collectifs de lutter contre l'épidémie, ça doit être dans les années 89-90, je ne sais plus. Mais c'est arrivé un peu tard et c'est une critique que je retrouve assez souvent, c'est que les politiques ont mis un peu de temps à intervenir. Puis bien sûr, j'en parle pas, mais j'ai oublié d'en parler, le sang contaminé, ça Ouais, c'est le une catastrophe. cas, ouais. Le cas du sang contaminé. Disons que technologiquement on est allé vite, mais peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu mieux au Ouais, bien niveau. sûr. Prévention. Prévention, voilà. Excellent. Ok. Ouais, bah écoute, merci infiniment. Ouais. Tu fais une Merci. entrée spectaculaire dans le podcast, là. Quel dossier, ma parole. Très beau dossier. Très Bah, beau. merci beaucoup de Non, m'avoir mais accueilli. d'ailleurs, ça fait quelque temps aussi que je pense à essayer de faire des dossiers, j'en ai pas encore vraiment fait, mais avec un point de vue un peu plus historique sur un thème scientifique. Et ben voilà, t'es tombé pile dedans, j'ai trouvé bien, quoi. Ouais, c'est vrai que je me disais, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu moins scientifiques, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant. L'histoire des sciences aussi, c'est intéressant. Ça m'intéresse beaucoup, en tout cas. Ben voilà, tu viens peut-être d'annoncer de quoi tu vas nous parler pour ton prochain passage dans le podcast. Ah, donc bah, je sais pas encore, moi, en ce qui me concerne, mais je vais y réfléchir. Mais c'est peut-être dans ce sens-là, ouais. Qui sait? Ben écoute, merci, vraiment, merci beaucoup, bravo pour ce magnifique dossier. On a encore quelques petites choses à dire. Bah d'abord, on va rappeler que le 1er décembre, donc demain, dans notre perspective, aujourd'hui certainement pour la majorité des personnes qui vont télécharger le podcast, c'est justement la journée mondiale de lutte contre le sida. On n'en savait rien. Enfin, moi, j'en savais rien, en tout cas. Ben Ah, bah, voilà. c'est une heureuse coïncidence. Hein. Très heureuse coïncidence, ouais. Exactement. Donc, voilà, ce sera l'occasion d'avoir une petite pensée pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie, puis pour toutes les personnes qui luttent pour trouver des solutions. Et puis on avait encore quelques petites choses à dire, des retours sur les émissions précédentes, Mathieu. Oui, alors un retour sur l'épisode de la semaine passée qu'on a eu avec Clément Michou sur la géologie et la prévention des risques d'éboulement. Il y a Xavier Agnès qui nous envoie un lien d'un petit dossier, article sur Futura Science qui parle justement des risques géologiques. J'ai pas eu encore l'occasion de le lire complètement, mais voilà, je pense que ça va être un bon complément pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Ouais, c'est un excellent complément. En fait, on avait parlé essentiellement des éboulements et des glissements de terrain avec Clément Michou. Là, ce dossier parle aussi des Des avalanches, volcans, c'est un peu plus large voilà, comme. exactement, d'autres types de risques. Et puis, alors toujours en parlant des émissions précédentes, deux mots sur l'émission numéro 53. C'était l'interview de Julien Stervinou qui nous parlait de matériaux composites et de voitures volantes. Bah, un tout grand merci à Draculito qui a retranscrit cette interview qui est désormais en ligne. Vous la trouvez sur le site. C'est un boulot de titan de retranscrire ces interviews. Il a fait ça spontanément. C'est vraiment cool. Encore merci, Draculito. C'est top. Ouais, tout grand boulot. Ouais. Oui, encore une petite chose qui me frustre un petit peu parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le faire et c'est quelque chose qui me plairait de faire. C'est Thibault Lacroix qui nous envoie un lien iTunes où il nous dit « J'ai commencé les cours de mécanique quantique donnés par Leonard Susskind et c'est très intéressant et là où j'en suis abordable au niveau terminal S. » Donc terminale scientifique, juste avant le bac. Et donc c'est un cours qu'on peut télécharger sur iTunes de l'université de Stanford, donné par Leonard Susskind sur la mécanique quantique. Alors donc moi je suis content de savoir que même avec le niveau mathématique et de physique de terminale S, on arrive à aborder la mécanique quantique. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ouais, bah je vais essayer. Moi, j'avais essayé les cours de physique du MIT sur, je crois que c'était iTunes U aussi, mais j'ai décroché après 40 minutes, juste pas le niveau en maths, quoi. Mais là, peut-être, on verra. Je vais essayer Ouais, en tout cas, ça faudrait m'intéresse. déjà revoir nos cours de maths de terminale Ouais. pour commencer, mais ouais, moi j'aimerais bien peut-être passer ouais, une fois, un jour ou deux à suivre un cours comme ça me plairait. Mais on va voir si j'ai l'occasion de le faire. Autrement, on avait encore quelques petites choses à annoncer. Alors d'abord, un concours, le concours Nouvelles Avancées, qui est lancé par l'ENSTA. Je ne sais pas si on prononce ça ENSTA ou ENSTA. C'est donc l'École nationale supérieure de technique avancée, et qui lance en écho au 6e Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Marseille en mars 2012, la troisième édition de son concours de nouvelles. Alors le principe est assez simple, il s'agit d'écrire une nouvelle en 12 000 signes au maximum et de l'envoyer aux organisateurs avant fin janvier. Et la nouvelle doit parler d'eau, évidemment. Donc par nouvelle, t'entends un récit. Voilà, un petit roman. Mmh. Ouais. 12 000 signes, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait quelques pages, donc ça va être assez court. Alors les consignes sont les suivantes, réaliste ou fantastique, historique, contemporaine ou d'anticipation, votre nouvelle devra mettre l'élément eau au cœur de son propos. Une approche scientifique, technique ou géopolitique aurait les faveurs du jury. Et le concours prévoit deux catégories de participants. Il y a le grand public d'un côté et les élèves. Alors attention, pour cette dernière catégorie, seules certaines écoles sont reconnues. On mettra le lien sur le règlement. Et les prix sont plutôt sympas, en fait. Le premier prix pour la catégorie grand public, c'est une croisière en Méditerranée pour deux personnes dans le cadre des croisières du savoir, sciences et avenir, du 27 mai au 4 juin. Et pour la catégorie élèves, c'est un chèque de 3 000 euros. Oh, Donc, sympa. ouais, pas mal. Ça, c'est pour les premiers prix. Puis il y a toutes sortes de prix. Il faudra aller voir sur le site. Et puis, bien sûr, évidemment, la publication des nouvelles et la gloire. Ont plutôt bien choisi le premier prix, une croisière pour un truc de nouvelles sur l'eau, c'est approprié, on va dire. Absolument, ouais. C'est très fort. Très bien. Donc voilà, les liens seront dans les notes de l'émission pour celles et ceux qui veulent y participer. J'avoue que j'ai réfléchi, mais je suis pas tellement inspiré par le sujet de l'eau, mais on verra quoi, on a le temps encore. Et puis une dernière chose qu'on voulait vous signaler, alors là c'est plus dans le petit monde des podcasteurs, le deuxième épisode du podcast 12 minutes de Xilrian est juste excellent. C'est une présentation de Newton comme on l'avait jamais imaginé. Donc Newton alchimiste, Newton maître de la monnaie, prêt à se déguiser en petite vieille pour débusquer les faux monnayeurs. C'est absolument passionnant. Franchement, c'est un régal. Je vous invite à y aller. Là aussi, le lien figurera dans les notes de l'émission. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Cool, Tout ouais. dit ou presque. Ouais, mais il reste évidemment le moment magique qu'on attend tous, la minute de philosophie de la fin du podcast. Ouais, alors aujourd'hui, j'ai pris une côte. Ben, ce thème sur le sida, je me suis dit, bon, oui, comme on a dit, on a quand même les trithérapies, on a quand même fait pas mal de progrès, mais on n'a pas encore de vaccin, on part un peu dans. Il y a quand même différentes pistes. Je crois qu'il y a des essais cliniques d'ailleurs sur différents types de molécules qui. Oui, c'est vrai. Je pense que tu connais ça mieux que moi. Bon, on est quand même sur différentes pistes. Donc, ouais, une petite quote qui est un peu liée à ça, qui dit en anglais, donc Professeur Fun, je te laisse le soin de la traduction. On s'accroche. If plan A fails, remember that you have 25 letters left. Alors, si le plan A ne marche pas, il faut se rappeler qu'il reste toujours 25 lettres. Voilà, elle est de Clint Bond. Donc j'ai trouvé ça sur Google Plus. C'est un utilisateur de Google Plus, je crois, sans autre, qui a écrit ça. Et ouais, bah ça m'a fait penser un peu à toutes ces tentatives qu'on a pour trouver un vaccin. Donc il y en a qui échouent, mais faut pas abandonner. Faut continuer sur d'autres pistes. Et on y arrivera, on y arrivera. Tant qu'on continue les recherches, on n'aura pas échoué finalement. Ouais, c'est vrai. Il y a tellement de possibilités, tellement de variabilité. Ouais. Ce serait un miracle qu'on trouve du premier coup. Ouais, la situation est pas mal. C'est pour, ça me fait penser à. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais, C'est un c'est petit vrai. peu. Donc voilà, Voilà. n'abandonnons pas. On trouvera tôt ou tard, j'espère le plus tôt possible, un vaccin pour le sida. Bah voilà, encore une quote bien inspirée. Ça fait plaisir. Je me sens toujours un peu plus intelligent après tes quotes. J'adore ça. Ok, ben on va pas trop exagérer non plus. Hein. Ah si, si, si. Il faudra qu'on fasse un florilège de tes quotes une fois. Je sais pas, on fera peut-être ça pour la centième ou quelque chose. Se les écouter bout à bout comme ça doit être pas mal. Ok, donc on en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre padawanette du podcast qui va venir faire son tour d'essai. C'est Hélène Arnal qui va nous parler des maladies qui peuvent expliquer le mythe des vampires. Donc ça, c'est pour le mercredi 7 décembre, si tout va bien, en ce qui concerne l'enregistrement, diffusion dans la nuit, dans la journée du 8 décembre. Et bah d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous. À tout Également. bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt.